il aurait 40 ans. Lorsqu'on a vu naître son enfant, qu'on a suivi ses premiers pas dans la vie, qu'on l'a vu sourire et pleurer, qu'on l'a entendu vous appeler petit père en tendant vers vous ses petits bras, on croit connaître toutes les émotions paternelles et, comme rassasié de ces bonnes joies quotidiennes qu'on touche, on imagine déjà celles du lendemain. On court en avant, on fouille l'avenir, on est impatient et l'on avale le bonheur présent à longs traits au lieu de le déguster goutte à goutte. Mais il suffit d'une maladie du bébé pour vous rendre à la raison. Pour sentir la puissance des liens qui vous attachent à lui, il faut avoir craint de les voir se briser. Pour savoir qu'une rivière est profonde, il faut avoir été sur le point de s'y noyer. Rappelez-vous ce matin où, ayant soulevé les rideaux de son lit, vous avez aperçu dans l'oreiller son petit visage, pâle et amaigri, ses yeux creusés, entourés de teintes bleuâtres, étaient à demi fermés. Vous avez rencontré son regard qui semblait caché derrière un voile. Il vous a vu sans vous sourire. Vous lui avez dit bonjour et il n'a point répondu. Sa physionomie n'exprimait qu'abattement et faiblesse. Ce n'était déjà plus votre enfant. Il a poussé une espèce de soupir et ses paupières trop lourdes se sont affaissées. Vous avez pris ses mains, longues, transparentes, aux ongles sans couleur. Elles étaient chaudes et humides. Vous les avez embrassées, ces pauvres petites mains, mais pas un frisson n'a répondu au contact de vos lèvres. Alors, vous vous êtes retourné et vous avez aperçu votre femme qui pleurait derrière vous. C'est à ce moment que vous vous êtes senti frissonner de la tête aux pieds et que l'idée d'un malheur possible s'est emparée de vous pour ne plus vous lâcher. À chaque instant, vous reveniez vers ce lit, vous souleviez de nouveau les rideaux, espérant peut-être que vous aviez mal vu ou qu'un miracle s'était opéré. Mais vous vous en alliez bien vite, avec des larmes dans la gorge, et cependant vous tentiez de sourire pour le faire sourire lui-même. Vous cherchiez à réveiller en lui le désir des choses, mais rien. Il restait immobile, épuisé, ne se retournant même pas, indifférent à ce que vous disiez, étranger à tout, même à vous-même. Et que faut-il pour abattre ce petit être, pour l'éteindre à ce point? Quelques heures seulement, que faudrait-il pour l'achever? 5 minutes, peut-être? On sait que la vie tient à rien dans ce corps si frêle, si peu fait pour la douleur. On sent que l'existence est un souffle, et l'on se dit si celui-ci allait être le dernier. Tout à l'heure, il se plaignait, il ne se plaint déjà plus. Il semble que quelqu'un l'entoure, l'entraîne et l'arrache de vos bras. Alors vous vous rapprochez de lui et le serrez presque involontairement, comme pour lui redonner un peu de votre vie à vous. Son lit est humide des sueurs de la fièvre, ses lèvres se décolorent, les narines de son petit nez aminci et desséché se soulèvent et s'affaissent. Sa bouche reste grande ouverte. C'est elle pourtant, cette pauvre bouche rose, qui riait si joyeusement. Ce sont là les deux lèvres qui s'appliquaient contre les vôtres. Et toutes les joies, les éclats de rire, les folies, les bavardages sans fin, tous les bonheurs passés se pressent dans votre esprit au bruit de cette respiration haletante, tandis que de grosses larmes chaudes tombent lentement de vos yeux. Pauvre homme, votre main cherche ses petites jambes, et vous n'osez toucher sa poitrine que vous avez baisée si souvent de peur d'y rencontrer cette maigreur horrible que vous pressentez, mais dont le contact vous ferait éclater en sanglots. Et puis, à un certain moment, tandis que le soleil inondait la chambre, vous avez entendu une plainte plus profonde qui ressemblait à un cri. Vous êtes accouru, son visage était contracté, il vous a regardé de ses yeux qui ne voyaient plus, et tout est rentré dans le calme, le silence et l'immobilité, tandis que ses joues creusées devenaient jaunâtres et transparentes comme l'ambre de son collier. Le souvenir de ce moment-là reste toute la vie dans le cœur de ceux qui ont aimé, et dans la vieillesse même, alors que le temps a voilé ses douleurs, que d'autres joies et d'autres peines ont empli les jours, le lit de l'agonisant vous apparaît encore quand on tisonne le soir. On revoit dans la flamme qui pétille la chambre du bébé perdu, la table où étaient les tisanes les fioles éparses, tout cet arsenal qu'amène la maladie. Ces petits vêtements rangés en ordre et qui l'ont attendu si longtemps. Dans un coin, ces joujoux délaissés. On revoit jusque sur le papier de tenture la trace de ses petits doigts, et sur la porte les zigzags qu'il fit avec son crayon. On revoit ce coin tout barbouillé de traits ou de dates où chaque mois on le mesurait. On le revoit jouant, courant, arrivant en nage, se jeter dans vos bras, et en même temps on l'aperçoit aussi fixant sur vous son regard vitreux ou immobile et froid sous un grand linge blanc tout humide d'eau bénite. N'est-ce pas, vieille grand-mère, que ce souvenir-là vous revient parfois et que vous versez encore une longue larme en vous disant « il aurait 40 ans ». Et ne le savons-nous pas, chère vieille, dont le cœur saigne encore, qu'il y a au fond de votre armoire à glace, derrière vos bijoux, à côté de paquets de lettres jaunies dont nous ne voulons pas deviner l'écriture, qu'il y a, dis-je, tout un petit musée de saintes reliques, les derniers souliers avec lesquels il courut dans le sable ce jour où il se plaignit du frisson, quelques débris de joujoux brisés, une branche de buis desséchée, un petit bonnet, son dernier déposé dans une triple enveloppe, et 1000 riens qui sont un monde, pauvre femme, qui sont les miettes de votre cœur brisé. Les liens qui unissent les enfants aux parents se dénouent, ceux qui unissent les parents aux enfants se brisent. Là, c'est le passé qui s'efface. Ici, c'est l'avenir qui se déchire. Convalescence. Bébé se rend plume. Mais, mon cher lecteur, oubliez ce que je viens de dire. Bébé ne veut pas vous quitter. Il ne veut pas mourir, le pauvre petit être. Et si vous voulez en avoir la preuve, regardez-le de bien près. Le voilà qui sourit. Sourire bien pâle qui ressemble à ces rayons de soleil tiède qui se faufilent entre deux nuages à la fin d'un hiver pluvieux. On le devine plutôt qu'on ne le voit, ce sourire, mais il suffit à vous réchauffer le cœur. Le voile commence à se dissiper. Il vous voit, il vous entend, il sait que petit père est là. Votre enfant vous est rendu. Déjà son regard est plus net. Appelez-le doucement. Il voudrait se retourner, mais il ne peut encore, et pour toute réponse, sa petite main qui recommence à naître s'agite et chiffonne le drap. Attendez encore un peu, pauvre père impatient, et demain, à son réveil, il vous dira « Papa ». Vous verrez comme il vous fera du bien ce « Papa » qui ressemble à un souffle, ce premier signe à peine intelligible du retour à la vie. Il vous semblera que votre enfant renaît une seconde fois. Il va souffrir encore, il aura d'autres crises. La tempête ne se calme pas tout d'un coup, mais il pourra maintenant appuyer sa tête sur votre épaule, se blottir dans vos bras, parmi les couvertures. Il pourra se plaindre, vous demander du regard et des lèvres aide et soulagement. Vous serez réunis enfin et vous aurez conscience qu'il souffre moins en souffrant sur vos genoux. Vous garderez sa main dans la vôtre, et si vous voulez vous éloigner, il vous regardera en vous serrant le doigt. Que de choses dans cette petite étreinte. Cher monsieur, vous la rappelez-vous? Petit père, reste près de moi, tu m'aides à souffrir. Quand je suis seule, j'ai peur du bobo. Serre-moi bien contre toi, et je souffrirai moins. Plus votre protection est nécessaire à un autre, et plus vous jouissez en l'accordant. Qu'est-ce donc, lorsque cet autre est un second vous-même, plus aimé que le premier? Avec la convalescence arrive une nouvelle enfance, pour ainsi dire. Nouveaux étonnements, nouvelles joies, nouveaux désirs, arrivant un à un, à mesure que la santé renaît. Mais ce qui est touchant et délicieux, c'est cette câlinerie si délicate de l'enfant qui souffre encore et s'accroche à vous. C'est cet abandon de lui-même en vous. C'est cette faiblesse extrême qui vous le livre tout entier. À aucune époque de la vie, il n'a joui autant de votre présence. Il ne s'est réfugié aussi volontiers dans votre robe de chambre. Il n'a écouté plus religieusement vos histoires et souri plus finement à vos accès de gaieté. Est-il vrai, comme il vous semble, qu'il n'ait jamais été plus charmant ou serait-ce simplement que le voisinage du danger vous fait attacher plus de prix à ses caresses et que vous comptez vos trésors avec d'autant plus de charme que vous avez failli être ruiné. Mais le petit homme est sur pied. Battez tambour, sonnez clairons, chevaux éventrés, sortez de vos cachettes, entrez à flot, mon beau soleil. Petits oiseaux, une ritournelle, le petit roi renaît, vive le roi. Et vous, monseigneur, venez embrasser votre père. Ce qu'il y a de particulier, c'est que cette crise affreuse que l'on vient de traverser vous devient douce, en quelque sorte. On y revient sans cesse, on en reparle, on la caresse de la pensée, et comme les compagnons d'aînés, on cherche, en se souvenant du péril passé, à augmenter la joie présente. Te souviens-tu, se dit-on, de ce jour où il était si mal? Te rappelles-tu son regard éteint, son petit bras maigre, ses lèvres pâlies? Et ce matin où le docteur est parti en nous serrant la main. Il n'y a que bébé qui ne se souvienne de rien. Il n'éprouve plus qu'un immense désir de réparer ses forces, de regonfler ses joues et de recouvrer ses mollets. Petit père, est-ce que nous n'allons pas dîner, dit petit père? Oui, petit ami, le jour baisse, attends un peu. Dis donc, papa, si nous n'attendions pas. Dans 20 minutes, gros goulu. 20, c'est beaucoup, dit 20. Si on mangeait 20 côtelettes, est-ce que ça vous ferait mal? Mais avec des pommes de terre, et puis des confitures, et puis de la soupe, et puis des gâteaux, et puis, est-ce qu'il y a toujours 20 minutes? Dis donc, papa, est-ce qu'il y a du bœuf avec de la sauce? Il en a plein la bouche, avec de la sauce tomate, rouge. Oui, l'ami, oui, eh bien. Eh bien, un bœuf, c'est plus gros que ce qu'il y a dans le plat. Pourquoi donc est-ce qu'on n'apporte pas le reste du bœuf? Moi, d'abord, je mangerai bien tout, mais avec du pain, et puis des haricots, et puis... Il est insatiable lorsqu'il a la serviette au cou, et c'est plaisir que de voir le bonheur qu'il éprouve à faire travailler ses mâchoires. Ses petits yeux brillent, ses joues se colorent, ce qu'il cache dans son petit four est impossible à dire, et c'est à peine, tant il est occupé, s'il trouve le temps d'éclater de rire entre deux bouchées. Vers le dessert, son ardeur se ralentit, son regard devient plus langoureux, ses doigts se détendent et par moments ses yeux se ferment. « Petite mère, je voudrais bien me coucher, » dit-il en se frottant les yeux. « Bébé, se remplume. » La famille, l'enivrement du succès, la fièvre de la lutte éloignent l'homme de la famille ou l'y font vivre en étranger, parce qu'il ne trouve plus de charme aux choses qui l'ont d'abord séduit. Mais que l'insuccès arrive, que le vent froid souffle un peu fort, l'homme se replie sur lui-même, il cherche tout près de lui quelqu'un qui soutienne ses défaillances, un sentiment qui remplace son rêve évanoui, et il penche son front vers son enfant. Il prend la main de sa femme et la serre. Il semble inviter ces deux êtres à partager son fardeau. En voyant des larmes dans les yeux de ceux qu'il aime, les siennes lui paraissent diminuer d'autant. Il semble que les douleurs morales aient les mêmes effets que les douleurs physiques. Le malheureux qui se noie s'attache au roseau. De même, l'homme dont le cœur se brise serre sa femme et son enfant contre lui. Il demande à son tour aide, protection, chaleur, et c'est chose touchante que de voir le plus fort s'abriter dans les bras du plus faible et retrouver courage dans son baiser. Les enfants ont l'instinct de tout cela. Et l'émotion la plus vive qu'ils puissent éprouver est celle qu'ils ressentent en voyant leur père pleurer. Rappelez-vous, chers lecteurs, vos plus lointains souvenirs, cherchez dans ce passé qui vous apparaît d'autant plus net que vous êtes plus loin. Avez-vous vu une fois rentrer le père à la maison, puis s'asseoir au foyer avec une larme dans les yeux? Vous n'avez pas osé l'approcher d'abord, tant vous sentiez sa douleur profonde? Comme il fallait qu'il fût malheureux pour que ses yeux fussent humides. Alors, vous avez senti qu'un lien vous attachait à ce pauvre homme, que son malheur vous frappait aussi, qu'une part vous revenait de droit et que vous étiez atteint puisque le père l'était. Personne ne comprend mieux que l'enfant cette solidarité de la famille à laquelle il doit tout. Vous avez donc ressenti tout cela? Votre cœur s'est gonflé dans le petit coin où vous étiez resté silencieux, et les sanglots ont éclaté, tandis que, sans savoir pourquoi, vous tendiez vos bras vers le vieil ami. Il s'est retourné, il a tout compris, il n'a pu contenir sa douleur davantage, et vous êtes restés enlacés dans les bras l'un de l'autre, père, mère et enfant, sans vous rien dire, mais vous regardant et vous comprenant. Saviez-vous cependant la cause du chagrin de ce pauvre homme ? En aucune façon. Et voilà pourquoi l'on a poétisé l'amour filial et l'amour paternel, pourquoi la famille est dite sainte. C'est qu'on y trouve la source même du besoin de s'aimer, de s'entraider, de se soutenir, qui de temps à autre se répand sur la société tout entière, mais à l'état d'écho affaibli. Ce n'est que de loin en loin dans l'histoire que l'on voit tout un peuple se grouper, se replier sur lui-même et frissonner du même frisson. Il faut un bouleversement effroyable pour qu'un million d'hommes se tendent la main et se comprennent en se regardant. Il faut un effort surhumain pour que la famille devienne la nation et que les limites du foyer s'étendent jusqu'aux frontières. Il suffit d'une plainte, d'une souffrance, d'une larme pour qu'un homme, une femme et un enfant confondent leurs trois cœurs en un seul et sentent qu'ils ne font qu'un. Raillez le mariage, la chose est aisée. Tous les contrats humains sont entachés d'erreurs, et l'erreur est toujours comique pour ceux qui n'en sont pas victimes. Il est des maris trompés, la chose est certaine, et lorsqu'on voit choir un homme, se serait-il fracassé la tête, le premier mouvement est d'éclater de rire. De là l'immense et éternelle gaieté qui salue Sganarel. Mais fouillez au fond. Et voyez que sous toutes ces misères, sous toute cette poussière, de petites vanités déçues, d'erreurs ridicules et de passions comiques, se cache le pivot même de la société, et constatez qu'en cela tout est pour le mieux, puisque ce sentiment de la famille, qui est la base du monde, en est aussi la consolation et la joie. L'honneur et le respect du drapeau, l'amour de la patrie, tout ce qui pousse l'homme à se dévouer pour quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas lui, dérive de ce sentiment-là. Et c'est en lui, on peut le dire, qu'est la source d'où découlent les grands fleuves où se désaltère le cœur humain. Égoïsme à trois, dites-vous, qu'importe si cet égoïsme engendre le dévouement. Reprocherez-vous au papillon d'avoir été chenille ? Ne m'accusez pas en tout cela d'exagération ou de lyrisme. Oui, la vie de famille est bien souvent calme et prosaïque. Le pot-au-feu qui figure dans ses armes n'a point été mis là sans raison, je le reconnais. Au mari qui viendrait me dire « Monsieur, voici 2 jours de suite que je m'endors au coin du feu », je répondrais « Vous êtes trop paresseux, mais enfin, je vous comprends. » Je comprends aussi que la trompette de bébé est bruyante, que les bijoux sont horriblement chers, que les volants de dentelle et les garnitures de zibeline le sont également, que le bal est fastidieux, que madame a ses vapeurs, ses niaiseries, ses exigences. Je comprends enfin qu'un homme auquel la carrière sourit considère sa femme et son enfant comme 2 bâtons placés entre ses jambes. Mais je l'attends, l'homme heureux, au moment où son front se plissera, où la déception lui tombera sur la tête comme une calotte de plomb, et où, ramassant les 2 bâtons qu'il a maudits, il s'en fera 2 béquilles. J'admets qu'Alexandre le Grand, Napoléon Ier et tous les demi-dieux de l'humanité n'aient ressenti qu'à de rares intervalles le charme d'être père ou époux. Mais nous autres, pauvres petits hommes, qui sommes moins occupés, il faut que nous soyons l'un ou l'autre. Je ne crois pas aux vieux célibataires heureux, je ne crois pas au bonheur de tous les êtres qui, par folie ou calcul, se sont soustraits à la meilleure des lois sociales. On en a dit long sur ce sujet-là, et je ne veux pas augmenter le dossier de ce volumineux procès. Mais avouez-le franchement, vous tous qui avez entendu le cri de votre nouveau-né, et qui avez senti votre cœur teinté comme un verre qui va se briser, avouez, à moins que vous ne soyez idiots, avouez que vous vous êtes dit « Je suis dans le vrai, dans le beau et dans le bon ». Là et là seulement est le rôle de l'homme. J'entre dans la voie battue, frayée, mais droite. Je traverserai les landes monotones, mais chacun de mes pas me rapproche du clocher. Je ne suis point errant dans la vie, je marche, je soulève de mes pieds la poussière où mon père a mis les siens. Mon enfant, sur cette même route, retrouvera la trace de mes pas, et peut-être, en voyant que je n'ai point failli, dira « Faisons comme le pauvre vieux, et ne nous perdons pas dans les terres labourées. Si le mot « saint » a encore un sens, en dépit du métier qu'on lui a fait faire, je ne vois pas qu'on puisse en mieux servir qu'en le plaçant à côté du mot « famille ». On parle de progrès, de justice, de bien-être général, de politique infaillible, de patriotisme et de dévouement. J'en suis morbleu de toutes ces bonnes choses-là. Mais tout ce brillant horizon se résume en ces trois mots « aimer son voisin ». Et c'est précisément, à mon avis du moins, la chose qu'on oublie d'enseigner. Aimer son voisin, c'est simple comme bonjour, mais c'est le diable que de rencontrer ce sentiment si naturel. Il y a des gens qui vous en montrent la graine dans le creux de la main, mais ceux-là même qui en font commerce de cette graine précieuse sont les derniers en vous en montrer la feuille. Eh bien, mon bon lecteur, cette petite plante qui devrait pousser en France comme le coquelicot dans les blés, cette plante qu'on n'a jamais vue plus haute que le cresson de fontaine, et qui devrait dépasser les chênes, cette plante introuvable, je sais où elle est. Elle est au coin du foyer domestique, entre la pelle et la pincette, à côté du pot-au-feu. C'est là qu'elle se perpétue, et si elle existe encore, c'est à la famille qu'on le doit. J'aime, à peu de choses près, tous les philanthropes et tous les sauveurs d'humanité. Mais je n'ai foi qu'en ceux qui ont appris à aimer les autres en embrassant leurs enfants. On ne refera pas l'homme pour satisfaire le besoin des théories humanitaires. L'homme est égoïste. Il aime avant tout ceux qui l'entourent. Voilà le sentiment humain et naturel. C'est celui-là qu'il faut élargir, étendre et cultiver. En un mot, c'est dans l'amour de la famille qu'est compris l'amour de la patrie et par suite celui de l'humanité. C'est avec les pères qu'on fait des citoyens. L'homme n'a pas 36 mobiles, il n'en a qu'un dans le cœur. Ne le discutez pas et profitez-en. L'affection gagne de proche en proche. L'amour à trois, lorsqu'il est vigoureux, veut bientôt plus d'espace. Il recule les murs de la maison et petit à petit, il invite les voisins. L'important est donc de le faire naître, cet amour à trois. Car c'est folie, j'en ai peur, que d'imposer tout d'abord au cœur de l'homme l'espèce humaine entière. On n'avale pas du coup et sans préparation d'aussi gros morceaux. C'est pourquoi j'ai toujours pensé qu'avec les nombreux sous donnés pour le rachat des petits Chinois, on aurait pu en France faire pétiller la flamme dans des cheminées où elle ne pétille plus, faire briller bien des yeux autour d'une soupe fumante, réchauffer des mères transies, faire sourire des bébés amaigris, redonner à de pauvres découragés plaisir et bonheur à rentrer au logis. Que de gros baisers français vous auriez fait sonner avec tous ces gros sous, et par suite, quel coup d'arrosoir pour la petite plante que vous savez. Mais alors, que serait devenu le commerce des petits Chinois? Que voulez-vous? Nous y songerons plus tard. Il faut savoir aimer les siens avant de pouvoir aimer ceux des autres. Cela est brutal. Égoïste, mais vous n'y changerez rien. C'est avec les petits défauts que l'on construit les grandes vertus. Et, après tout, gardez-vous de gémir. Cet égoïsme-là est la première pierre de ce grand monument, entouré d'échafaudages pour le moment, que l'on nomme la société. Ici se termine Monsieur, Madame et Bébé de Gustave Droz. Enregistré par Christiane Jehan.